sur ses chiens régner dans ses boules. Quel est ce malheur qui règne encore et encore, que tu vomis d'amour dans tes yeux tant de beauté que si faire de toi. Comment laisse-t-on ses chiens régner dans ses boules? Quel est ce malheur qui règne encore et encore, que tu vomis d'amour? Aussi dans leur